Je vous propose de prendre place derrière moi, vos jambes blotties contre mes flancs, votre fessier placé entre mes reins, votre petit bout d'orgueil effleurant à peine mon épine dorsale. Le cuir de mes cheveux satinés se déplace au gré de mouvements soutenus et provoque l'éveil de tensions enfouies. Vous enroulez le long de vos phalanges une mèche après l'autre de mon ample toison. Vous enserrez la boucle avec constance à la faveur d'une paisible jouissance. Lorsque par pression vous empoignez l'arête de mon cou, je me sens emportée par une insatiable euphorie vertigineuse.